un par un les tourments qui l'assassinent et il craint de ne pas faire le bon choix. D'un côté tout est clair et si limpide, mais de l'autre la raison le rend si vide. Trouver